France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Que d'images, même s'il n'y eut aucun faste, aucun décorum particulier. Il resta tout de même en mémoire toute la cérémonie, est-ce le juste mot, de la signature du traité de Versailles, et l'image du président américain, Woodrow Wilson, traversant la galerie des glaces, indifférent à la splendeur des lieux, sous l'œil navré de Clémenceau. Navré par son indifférence à la beauté du lieu, pas à sa présence, au contraire. Aucun discours, sobriété, grande émotion et présence de gueule cassée. Soyez témoins, la signature du traité de Versailles, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 13 juin 1956. Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Le mois de juin est fertile en anniversaire, et il y en a un qui est particulièrement glorieux, c'est celui de la signature du traité de Versailles qui eut lieu il y a 37 ans, le 28 juin 1919. Nous allons donc évoquer cet événement en recueillant les témoignages d'un certain nombre de personnes. Et d'abord, nous allons entendre Madame Louis Mercier, qui est devant moi dans le studio, et qui m'avait décrit non pas qu'elle avait assisté à la signature du traité de Versailles, mais qu'elle était ce jour-là dans le parc. Mon mari avait été longtemps absent, il avait fait la guerre en Orient, il revenait du corps expéditionnaire français qui accompagnait Allenby, il avait fait la Palestine, la Syrie. Et une chose très curieuse, c'est après la bataille de Jéricho, sans doute à propos de la cause des trompettes, à ce moment-là, brusquement, enfin non au contraire, doucement, on a eu l'impression que la situation se renversait, que tout devenait bon pour nous. On n'avait plus que des bonnes nouvelles. Donc, il était revenu depuis peu. Nous nous promenions avec une foule très heureuse sur ses terrasses, dans ses jardins. Et je pense que c'était un jour tellement merveilleux qu'il y avait dans ces gens qui étaient des gens ordinaires, des gens comme tout le monde, peu de sceptiques. S'il y en avait, ils étaient dans le palais. Ils n'étaient pas là. Et les gens étaient simplement très heureux et ils regardaient comme jamais, avec beaucoup d'attention, les statues vénérables, les miroirs d'eau. Je m'excuse, madame. Vous vous promeniez, dites-vous, dans le parc de Versailles, mais vous saviez bien que ce jour-là, on signait le traité de paix. Oh, bien sûr, mais nous avions des cartes, on n'entrait pas sans cartes. Ah bon ? Vous étiez des privilégiés. Ah ben, bien sûr, nous étions des privilégiés. Alors, nous étions beaucoup de privilégiés. Ben oui, bien sûr. Bon, vous étiez donc entré dans le parc avec vos cartes, et alors vous avez regardé et vous n'avez rien vu. Non, mais tout le monde se tournait vers ces fenêtres éclairées par le soleil, et derrière laquelle il se passait quelque chose, et tout le monde s'espérait que c'était quelque chose de très très bien, de très très beau, parce qu'après une juste guerre, on allait avoir une juste paix. Et une juste paix, c'est une paix définitive. Ben voilà. Et qu'enfin, cette paix perpétuelle qu'on avait toujours attendue, toujours, eh bien enfin, on la tenait. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il a C'était grâce à notre génération. C'était notre génération qui allait enfin cueillir ce fruit merveilleux. C'était la mentalité générale des gens du parc. En dehors des fenêtres éclairées par le soleil, qu'est-ce que vous avez vu? La sortie des délégués, non? Mais même pas. Mais ils sont pourtant sortis dans le parc. Mais il y avait beaucoup trop de monde pour les voir. Il y avait d'autres privilégiés. Bon, alors vous avez vu les dos des privilégiés. Mais j'ai même pas été perdu, nous étions contents avec les autres. Moi, mon mari venait de rentrer, nous étions contents tous les deux, puis voilà. Ben, c'est pas si mal. C'est beaucoup mieux. Bon. Eh bien, je vous remercie beaucoup, madame. Notre ami Claire Guyot, qui a déjà bien voulu plusieurs fois nous apporter son témoignage sur des événements précédents, vient aujourd'hui nous parler de la signature du traité de paix, signature à laquelle, naturellement, il a assisté en tant que journaliste. Alors, vous avez assisté aux préparatifs, à la signature, racontez-nous tout cela. Oui. En réalité, pour les journalistes, les préparatifs de la signature du traité de paix, ça a duré 3 mois. Nous avons assisté, entre autres, à de nombreux incidents qui étaient provoqués par la venue des délégués allemands. Ça a donné lieu souvent à des scènes regrettables. La censure a été obligée d'interdire la publication. Pourquoi il y avait encore une censure à ce moment-là, bien que la guerre fût terminée? Aussi sévère qu'avant, n'est-ce pas? Et entre autres, un soir, quand la plus grande partie, alors des délais et des travaux terminés, est partie, on a jeté des pierres sur les voitures des Allemands. Les Allemands ont provoqué les Français en leur montrant et tous les provisions qu'ils emportaient. Notamment, ça avait été pour eux la grande nouba, n'est-ce pas, comme vous pouvez le deviner. En réalité, n'est-ce pas? Les délégués allemands arrivaient par la petite gare de Noisy-le-Roi, vous savez, qui est sur la ligne de la Grande Ceinture. On avait choisi cette station parce qu'elle était assez perdue et on évitait l'affluence des curieux. Il y a eu le 5 avril une première arrivée de délégués, puis le 25 avril, alors le gros délégué est arrivé. À la fin de mai, tout le monde est parti. Tout le monde, c'est-à-dire tous les secrétaires, scénographes, etc. Mais les personnages allemands les plus éminents ne sont partis en réalité que le 16 juin. C'est là où il y a eu les graves incidents regrettables, je crois, dont on n'a pas parlé. Si vous voulez, je vous raconterai un petit incident assez comique. Je crois que vous savez qu'on avait réuni dans un volume assez volumineux toutes les conditions du traité de paix, le résultat des discussions entre les délégations des divers pays. Un jour, on a décidé qu'on remettrait officiellement, au cours d'une séance solennelle, ce volume aux intéressés. Vous savez que toutes les négociations se faisaient à Trianon Palace. Oui. Le jour dit, un camion militaire est arrivé, porteur des fameux volumes, mais il est arrivé en retard, on a précipité les soldats en leur disant « Dépêchez-vous de décharger la voiture parce que les délégués étrangers vont arriver ». On a jeté presque pêle-mêle sur le sol devant l'entrée de Trianon les volumes précieux qui représentaient le travail difficultueux de plusieurs mois. Et comme le déchargement venait de se terminer, la première voiture des délégués est arrivée, on a escamoté la voiture, le camion militaire, et tout le temps du défilé des officiels, on a vu un petit tas de papier, un petit tas de volume, n'est-ce pas, qui n'ont servi à rien. Qui était devant la porte de Trianon, qu'on a naturellement recueilli avec soin après et qu'on a distribué en grande pompe aux intéressés. Alors venons-en maintenant à la signature même du traité de Versailles. Vous avez assisté probablement aux préparatifs de la séance. Il y a eu une petite formalité assez amusante. C'était exactement le 24 juin, c'est-à-dire 4 jours avant la signature de paix. Clémenceau avait décidé d'aller se rendre compte des préparatifs et de l'installation de la RLGAS pour la grande séance. Il devait être accompagné du président Wilson, de M. Balfour, de M. Sonnino et de Matsui. Clémenceau avait dit qu'il arriverait à 2 heures. Il était reçu par M. de Nolhac, qui était alors conservateur du musée de Versailles, et Wilson est arrivé plus tard. Clémenceau était d'une humeur charmante, mais il vous donnait l'impression de venir là avec l'intention très nette de regarder tout avec l'œil du maître. Et il y a certainement, il y a eu pendant longtemps, au garde-meuble national, des fonctionnaires qui se sont souvenus de cette visite. Le premier affolement du vieux tigre a été de voir qu'on avait placé dans cette salle de la Galerie des Glaces des fauteuils en pile pour les officiels. Ça, quand il a vu ça, Clémenceau a levé les bras au ciel en disant « C'est désastreux, c'est navrant ». Il avait trouvé aussi étrange un certain tapis couleur feuille morte dont on avait recouvert la table d'époque Louis XV, j'espère, sur laquelle plénipotentiaire devait signer. Sur ce même tapis, on avait déniché aux affaires étrangères un extraordinaire encrier style moderne, n'est-ce pas, qui détonnait de façon effroyable dans ce cadre merveilleux. Et alors là, quand Clémenceau a vu ça, il a dit « Ah non, pas ça, il faudra en apporter un autre ». Et il a immédiatement fait emporter le machin. Clémenceau était toujours seul. Wilson est arrivé avec un bon quart d'heure de retard. On a vu Wilson traverser toute la Galerie des Glaces. Il n'avait jamais visité le palais de Versailles. Il a traversé cette merveille, cette pièce merveilleuse, en regardant le bout de ses pieds. Clémenceau se rendait compte qu'il, qui restait complètement indifférent à tant de splendeur. Et alors, fallait voir la tête de Clémenceau, balançant ses bras en disant « C'est navrant, c'est navrant !» Et pour le consoler, il a pensé que Wilson s'intéresserait à d'autres questions. Et après avoir parcouru rapidement les installations, les aménagements, il a proposé à Wilson d'aller voir la salle du Congrès où, lui dit-il, on fabrique les présidents de la République française. Arrivons à la séance du 28. Oui. Je vous dirai en toute sincérité que, cette fois-là, mon rôle de collaborateur à l'illustration était inexistant parce que seuls les photographes de la section de l'armée étaient autorisés à opérer, mais il y avait des rédacteurs. J'ai donc vu l'ensemble de cette salle extraordinaire. La table sur laquelle les délégués allaient signer était en face d'une autre table où avait pris Clémenceau, qui avait à sa droite Wilson, à sa gauche Lloyd George et puis tous les autres. Et puis alors tout le monde, en principe, est parti dans un ordre strict, mais en réalité dans la plus grande pagaille, n'est-ce pas ? Parce que chacun avait cherché à se débrouiller, à se rapprocher, et puis le contrôle, tout contrôle, était impossible. Il n'y avait pas de service d'ordre, en fait ? Si. Il y a même une chose dont, moi, journaliste, je dois me souvenir, c'est que là où nous étions placés, nous nous trouvions derrière des gardes municipaux en grande tenue, et qu'on avait eu la gentillesse de déplacer ces gardes municipaux pour que nous puissions voir les délégués venir signer sur cette table. Clémenceau, en arrivant, s'est adressé à un groupe de mutilés qu'on avait rangés derrière la table. Il s'est assis très simplement. Successivement, tous les intéressés sont venus signer, les uns debout, les autres assis. Et Clémenceau a signé le dernier. Après que, naturellement, les Allemands avaient signé, vous savez qu'il y avait là deux délégués, Hermann Müller et le docteur Bell, n'est-ce pas ? Je vous dirais peut-être une chose qui vous surprendrait, dont je m'excuse. Mais il y a eu certainement une certaine gêne dans l'assistance de voir l'air déconfit, l'air déçu, l'air navré de ces deux Allemands, n'est-ce pas ? Qui venaient signer, enregistrer cette défaite formidable de leur pays. Ça a été vraiment indiscutable. Clémenceau s'était montré naturellement très courtois avec les délégués. Il leur avait même dit « J'ai l'honneur d'inviter les plénipotentiaires allemands à vouloir bien donner leur signature. » Et il s'inclina devant eux. De même qu'à la fin, il les remercia d'avoir signé. Un autre moment qui a été intéressant et que tout le monde voulait voir, ça a été le départ lors des plénipotentiaires allemands qui se sont escamotés le plus rapidement possible, je sais pas, qui sont montés en auto. La foule a été correcte. Il n'y a pas eu d'un incident fâcheux, mais un silence vraiment glacial. C'est la galerie des glaces qui continue. Est-ce que les mutilés étaient en uniforme ou en civil ? Non, non, non, ils étaient en civil. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que la tenue était la redingote. Oui. Tout le monde était en redingote et il y avait un seul type qui était en habit. C'est pas qu'il a fait rigoler tout le monde. Une fois cette cérémonie qui avait duré tout de même presque une heure, la cérémonie de la signature, ça s'est terminé à 4h moins 10 environ. Tout le monde n'avait plus qu'une idée, c'était d'évacuer la salle, la galerie des glaces, et de se répandre dans le jardin où alors on a entouré Clémenceau, Wilson et Lloyd George particulièrement, qui, pendant assez longtemps, jusqu'à la sortie du château, du parc, se tenait par le bras, encadré de gens, n'est-ce pas, qui se compressaient auprès d'eux pour qu'ils ne fussent pas écrasés, parce que c'était vrai, il y avait vraiment un emballement, un emportement extraordinaire. Le cadre, vous vous en doutez, était magnifique. Et puis, et cette chose à noter, c'est que les jours précédents, il avait fait très mauvais temps, et le jour de la signature de la paix, il y avait un soleil radieux qui inondait les jardins de Versailles. Merci beaucoup, M. Clérubi. Ça, voilà un beau tableau. Nous avons devant nous André Dantan, qui, à l'époque du traité de Versailles, était opérateur de cinéma et qui a été le seul opérateur à pénétrer dans la Galerie des Glaces le 28 juin. Non seulement le seul opérateur, mais je crois qu'il n'y avait même pas de photographe. Il n'y avait absolument aucun photographe. L'unique carte de presse qui a été donnée pour cette cérémonie, je la possède encore, et il n'y en avait pas eu d'autre Cela tient à ce que vous apparteniez au service cinématographique exactement, de l'armée. Exactement, bon. Puisque j'avais été désigné par les armées alliées pour tourner la signature de la paix dans la Galerie des Glaces. Il faut dire qu'à l'époque, on tournait encore à la main, c'était un appareil primitif. Je tournais à la main, j'avais un appareil pâté, dont j'avais pris des précautions de prendre un pied assez haut, c'est-à-dire un pied de studio Gaumont, qui n'allait pas avec l'appareil pâté, mais enfin, le système allait quand même. Et je pouvais donc avoir la possibilité de passer au-dessus des personnes qui étaient assez près de la caméra. Alors, vous étiez braqué dans la direction de la table où l'on signait, évidemment. J'étais à quelques mètres de la table de la signature. Alors, vous vous êtes installé avant l'entrée des plénipotentiaires, j'imagine. Oh, j'étais arrivé de très bonne heure le matin pour installer ma caméra. J'avais déjà repéré la veille l'emplacement. Et j'étais prêt, bien entendu, à tourner, même au début de la cérémonie. Mais il m'a fallu laisser tout de même terminer le président Clémenceau, le discours d'ouverture de ce congrès. Mais alors, je voudrais que vous nous racontiez, puisque vous étiez vraiment là pour voir, comment ça s'est passé. Les gens ne sont pas entrés tous à la fois. Ou est-ce qu'il y a eu une entrée... Non, c'est-à-dire qu'il y a eu, évidemment, une entrée qui s'est faite petit à petit de toutes les personnes présentes. Et lorsque les principaux, c'est-à-dire Clémenceau, Wilson, Lloyd George, et je ne me souviens plus, le représentant de l'Italie à cette époque... Orlandi, je crois, c'est ça. Alors évidemment, tout le monde s'est levé et la séance a été ouverte par le discours du président Clémenceau. C'est ça. Donc, les gens sont arrivés l'un après l'autre, se sont installés, et une fois que tout le monde a été là, on a ouvert la séance. Alors, exactement. Et vous avez ouvert le feu à quel moment ? Eh bien, il m'a fallu, je tenais tout de même à avoir une partie du discours de Clémenceau. En muet ? En muet, bien entendu. Je tenais tout au moins à avoir son image, l'image lorsqu'il faisait son discours. Et je n'ai pas osé tourner trop tôt avant la fin, parce qu'il était susceptible de me faire mettre à la porte. Pourquoi ? Parce c'était un petit peu malgré lui que j'étais là. Ah bon, il n'aimait pas les témoins pas de votre genre. Oui. Alors vous l'avez tout de même tourné. Alors je l'ai donc tourné à la fin de son discours. Mais il a dû entendre, parce que ça faisait un bruit d'enfer. Oui, puisque, bien entendu, j'ai eu droit à un petit coup d'œil de sa part vers moi, et je me demandais ce qu'il allait faire, et mon Dieu, il m'a laissé. Bon. Alors, il a donc fini son discours, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'en ai tourné 350 mètres, monsieur Gillois. À cette époque-là, nous tournions à 16 images. Oui, ça faisait beaucoup. Alors, ça faisait beaucoup. Ouais. Je n'avais pas d'autre éclairage que la lumière du jour qui venait par les fenêtres, comme de bien entendu. Qui se reflétait dans les glaces. Les glaces ne m'ont nullement gêné, comme vous avez pu vous rendre compte sur un document que je vous ai montré. Oui. Et, mon Dieu, j'aime mieux vous dire que... J'avais un peu mal au bras parce que, malgré tout, 350 mètres, il fallait que je puisse charger mon appareil assez rapidement. Oui. Et alors, vous avez filmé quoi ? La signature elle-même ? J'ai filmé la signature, j'ai filmé les personnalités, c'est-à-dire la partie du discours, les personnalités qui sont venues signer le traité de paix. Oui. J'ai eu le temps de pouvoir changer d'objectif, car l'objectif se dévissait à cette époque. Il fallait dévisser un objectif, en revisser un autre. Et j'ai fait des documents qui m'ont permis... comme vous avez pu le voir, sur la table de signature, où j'ai pu tout de même me rapprocher sans bouger ma caméra en changeant d'optique. Qui est-ce qui a signé le premier ? Monsieur Gillois, alors là, maintenant, vous me demandez de rappeler dans mes souvenirs qu'est-ce qui a signé le premier. Je crois qu'on a fait signer d'abord les plénipotentiaires allemands, si je me souviens bien. À quelle heure est-ce que ça se passait ? Ah, voilà encore une question. Je crois que c'est le matin que ça se passait, cette chose-là. Non, d'après les documents... Moi, je savais que c'était 2 heures de l'après-midi. Oui, non. C'est fort possible, maintenant. Si vous étiez là depuis le matin, évidemment... Ah, mais moi, j'étais là depuis le matin, évidemment. Ma mémoire me fait un peu défaut quant à me rappeler exactement l'heure à laquelle... Fixons pour l'histoire ce point, c'est que la séance a été ouverte exactement à 3h12. Alors, comment est-ce que ça s'est terminé ? Eh bien, ça s'est terminé comme un banquet. Tout le monde se lève de sa place et gagne la sortie. Ah bon, il n'y a pas eu du tout de cérémonial ? Non, il n'y a pas eu de cérémonial du tout, non. Puisque même en sortant avec mon pied sous le bras pour essayer de faire des prises de vue par la fenêtre, par une des fenêtres, pour avoir certains documents des personnes, des personnalités qui partaient, j'ai malheureusement déchiré la robe d'une dame, enfin légèrement, j'ai accroché la robe d'une dame avec une des branches de mon pied. Bon, parce qu'il y avait des dames, donc. Il y avait des personnalités féminines aussi. Des invités. Des invités, probablement. Il y avait la comtesse de Noailles, certainement. Probablement. Ah, c'est fort possible. Oui, je crois. C'est fort possible. Ce qui est très curieux, c'est qu'il y avait des représentants de l'armée française, évidemment, mais les chefs de l'armée n'étaient pas là. Il n'y avait ni Foch, ni Joffre, ni Pétain. Il y avait juste le général Végan. Juste le général Végan. Et Maginot était aussi derrière, derrière Clémenceau. Est-ce que vous vous rappelez l'attitude, ou tout au moins la physionomie des Allemands ? Eh bien, les Allemands m'ont donné l'impression d'être très impressionnés par la présence des mutilés français qui étaient assis devant la table de la signature. C'était en effet une idée très, très profonde et très belle que Clémenceau avait eue là, je comprends, évidemment. Et vraiment, j'ai eu l'impression qu'ils étaient tout de même gênés de la présence des mutilés français. Est-ce que dans la délégation allemande, il n'y avait que des civils ou est-ce qu'il y avait aussi des militaires? Il y avait des militaires aussi, mais c'était surtout c'était civils. Surtout des civils, c'était le traité a été signé au nom d'un nouveau gouvernement. C'est ça. Qui n'était pas engagé pendant la guerre et qui était composé de civils. Je crois qu'il n'y avait que deux parlementaires allemands. Et il y avait Stresemann, si je me souviens bien. Monsieur Gillois, vous ne pouvez pas m'aider? Ah non, bon, non. Je ne crois pas. Il y avait Brockdorff Hanso, sans doute. Les deux plénipotentiaires étaient Hermann Müller et... Ah, Hermann Müller, c'est ça. Deux ministres socialistes. Oui. Allemand, je crois. Et pas de militaires. Il y avait trois assesseurs, peut-être y avait-il un militaire, probablement. Il y avait un conseiller militaire. Si, je me souviens qu'il y avait tout de même un militaire ou deux parmi les plénipotentiaires allemands. Qui et était là au point de vue militaire, purement et simplement. Et Clémenceau présidait, il était donc au centre. Et qui était assis près de lui? Alors, vous aviez à côté de Clémenceau... Ah non, regardez pas les photos, je voulais savoir si vous vous souvenez. Ah, bah écoutez, monsieur Gillois, ça fait longtemps. Il y en avait des têtes, hein. Ça commençait par Clémenceau, en partant de la droite, Clémenceau, Wilson, Lloyd-George et Orlando. Et de l'autre côté de Clémenceau, vous ne vous rappelez pas? Ah, de l'autre côté de Clémenceau, ce sont des personnalités que je ne me souviens pas très bien. Personnalités politiques, peut-être. Maintenant, je sais qu'il y avait Robert Lansing, l'ambassadeur des États-Unis, qui était présent, puisque j'ai tout de même pu l'aborder pour avoir une signature, la seule que j'ai pu avoir sur un document que je conserve pieusement. Ah, parce que vous n'étiez pas chasseur d'images seulement, mais chasseur d'autographes. Mon Dieu, je regrette de ne pas avoir pu approcher Clémenceau et le président Wilson ainsi que Lloyd George pour compléter ma documentation de signature sur ce petit papier que je conserve à titre de souvenir. Eh bien, merci infiniment, André Dantan. Le jour de la signature du traité de paix à Versailles, il y avait dans la salle 5 mutilés dont Clémenceau avait exigé la présence, 5 gueules cassées, qui étaient assis en face des plénipotentiaires allemands. Ils s'appelaient Hébert, Agoguet, Richard, Cavalier et Jugon. 4 d'entre eux sont encore vivants, et l'un d'eux, Albert Jugon, ancien caporal du 1er régiment d'infanterie coloniale, a bien voulu venir jusqu'ici et nous raconter ce qu'il se rappelle de cette extraordinaire cérémonie. Donc, M. Jugon, vous aviez été désigné pour aller à Versailles. Comment est-ce que ça s'est passé? Mon Dieu, il y a président Clémenceau qui a eu tout le temps des attentions particulières pour les anciens combattants et les victimes de la guerre, a pensé qu'il convenait de mettre en face des plénipotentiaires allemands quelque chose qui montre bien ce que la guerre avec laissé comme secueil et comme, je ne dis pas comme destruction, mais comme souffrance au Courgueil. Vous étiez déjà les authentiques témoins. Déjà. Et le président a demandé à l'hôpital du Vin de Grâce, où existait à cette époque un service spécial pour les blessés de la face, qui ne s'appelait pas encore les gains cassés, comme vous me disiez tout de suite, M. Gillois, mais nous étions tout simplement des blessés de la face, que nous appelions les baveux. Nous étions le 5e baveux, dont M. Maurestin était le médecin réparateur. Et on nous a donc demandé, à ce service, de désigner tant que mutilé qui viendrait à Versailles pour montrer au monde qui se trouvait là réuni, pour montrer ce que la guerre avait pu faire d'affreux, entraîner de douleur, etc. Et c'est ainsi que mes camarades que vous venez de citer et moi-même sommes allés à Versailles en même temps, du reste, qu'une délégation relativement importante de l'armée française, car le président Clémenceau avait tenu à ce que les différents corps, les différentes armes soient présents ce jour-là pour manifester auprès de ses représentants la reconnaissance de la France pour ce qui avait été fait par les combattants que nous étions. Mais ces représentants de l'armée étaient également dans la Galerie des Glaces ? Oui, mais ils n'étaient pas avec nous-mêmes, que nous trouvions, nous, tous les cinq, dans l'embrasure d'une fenêtre, juste en face de la table de signature, et par conséquent, en face de tous les plénipotentiaires qui ont pu assigner. Alors, on vous a introduit dans cette salle alors que les plénipotentiaires étaient déjà là ou avant eux ? Avant eux. Avant eux. Avant eux. Et tant que les plénipotentiaires sont arrivés, mon Dieu, nous étions, nous, en liberté, un peu plus que provisoire, en liberté. Nous nous sommes émancipés un peu, et au lieu de rester en petits garçons bien sages, ce que nous aurions dû faire peut-être dans notre coin, nous nous sommes levés et sommes allés saluer le président Clemenceau, qui a été extrêmement chic. Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a dit ? Mon Dieu, il nous a dit, retenu à ce que ceux qui ont souffert, comme vous et vos camarades qui sont là, qui ont souffert moins peut-être, mais qui ont souffert en tant que combattants, que vous soyez tous représentés en ce jour de la fin de la guerre, en ce jour, je puis dire, de gloire pour la France et pour son armée, et nous avons tenu, j'ai tenu, à ce que des mutilés, et on a choisi des blessés de la face parce que vos blessures se voient davantage que celles de vos camarades amputés ou autres blessés. On a tenu ce qu'il y ait ici, devant l'aéropage rassemblé, des victimes de la guerre pour en montrer les méfaits. Et c'est ainsi qu'il nous a dit, je suis fier de vous avoir à mes côtés en ce jour de signature de la paix. Comme nous le remercions, il nous dit, mais non, vous n'avez pas à me remercier. C'est moi qui vous dis encore merci, non pas seulement pour vous, mais pour tous vos camarades qui ont combattu pour le pays. Et vous assistez aujourd'hui au commencement de votre récompense en assistant à ce jour glorieux. Et je vous assure que cette récompense qui vous est offerte aujourd'hui n'est pas la seule qui vous sera accordée, cela je vous l'assure. Et probablement que le président Clemenceau faisait allusion aux réparations qu'il avait demandées et obtenues pour les victimes de la guerre que nous étions. Alors, lorsque les Allemands se sont approchés pour signer le traité, est-ce qu'ils vous ont vu, naturellement ? Ils nous ont vu. Est-ce qu'ils vous ont regardé, salué ? Quelle a été leur attitude ? Ils n'ont pas salué, mais ils ont eu une attitude qui s'est encore réduite quand ils nous ont regardé. Oui, ils ont été évidemment très impressionnés. Très impressionnés, incontestablement. Et le président Clemenceau, qui était en face d'eux, il leur a fait signe quand ils sont arrivés, il leur a montré de la main le groupe que nous formions, et c'est à ce moment-là que ces officiers qui étaient déjà guindés par tempérament, par habitude et par métier, si je puis dire, métier militaire, se sont encore réduits davantage dans une sorte de salut. Qu'ils n'ont pas fait, effectivement. Je disais au cours de ma déclaration que les Dunkassés dont vous avez parlé n'existaient pas encore à cette époque-là, mais le colonel Pitot, qui en a été le président et le fondateur, était avec nous au Vin de Grâce et n'a pas pu assister au traité de paix parce qu'il avait été opéré le matin. Et mon Dieu, nous nous sommes tenus là au Vin de Grâce et depuis cette époque, notre vie, à lui comme à moi et à quelques autres, a été orientée vers cette association que tout le monde connaît maintenant et qui s'appelle, comme vous le disiez si justement, le Dunkassé. Eh bien, je vous remercie infiniment, M. Albert Jugon, de ce témoignage que je pense les auditeurs trouveront particulièrement émouvant, puisque, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui témoin d'une cérémonie à laquelle vous avez été appelé comme témoin. Vous avez apporté vraiment, on peut le dire, le visage de la guerre devant ceux qui signaient le traité de paix. Nous allons maintenant recueillir le témoignage de M. Lucien Plaute, qui n'habite pas Paris, qui habite Grasse, mais dont la lettre était si intéressante que je l'ai prié de se rendre au studio de la radiodiffusion française à Nice, où l'on a enregistré son témoignage. Le voici. C'est comme chauffeur militaire que j'ai assisté à Versailles à la cérémonie de la signature de la paix. À cette époque, il faut se rappeler que les voitures personnelles n'existaient plus. Un parc automobile avait été créé, avenue Clichy, pour tous les services dépendants de la présidence du Conseil. Ministre, secrétaire d'État, ambassadeur, chef d'État étranger, relevaient de ce service pour avoir voiture et chauffeur militaire. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de conduire beaucoup de personnalités qui ont assisté à cette cérémonie. Pendant la conférence et avant la signature, j'ai été différemment de service avec Mandel, Klotz, Buisson, Diagne, Clémentel, Villegrain, Deschamps, la famille du président Clémenceau et la religieuse qu'il soignait au moment où il fut blessé par Cotin. Puis avec Venizelos, un homme charmant, Politis, Brentano, Paderewski, Stefanovic, Ignatieff. Lord Derby, une fois que sa voiture personnelle était en panne à l'ambassade d'Angleterre. Comme beaucoup de ces personnalités n'étaient pas distantes avec le militaire que j'étais, j'ai gardé, après le souvenir des années de tranchées, celui de cette belle époque pour moi, où j'attendais ma démobilisation, beaucoup d'anecdotes. En voici une concernant le roi du Monténégro, que j'ai conduit quelquefois de l'hôtel Meurice à son gouvernement, exilé dans un pavillon à Neuilly. Arrivé, j'arrêtais le moteur. Le roi restait assis dans la voiture, ses ministres l'attendaient sur le trottoir, s'inclinaient, puis leur chef lisait leur compte rendu. On repartait, et le roi me disait « Eh bien, maintenant, allons voir les canards ». Je lui faisais faire le tour des lacs et on rentrait rue de Rivoli. Le jour de l'ouverture de la conférence de la paix, les voitures se suivaient au Quai d'Orsay. Un brigadier de police réglait la circulation et posait la question d'assez loin. « Qui es-tu ? Roi du Hedjaz. Bon, passe par ici. » Et je déposais l'émir Faisal dans la cour devant Poincaré qui passait en revue le piquet d'honneur. Curieux homme que l'émir, avec sa tenue arabe, sa coiffure qui encadrait son visage dont on ne voyait que les yeux et la barbe noire. Un jour, je stationnais en l'attendant devant un magasin de soierie, rue Thérèse, à l'angle de l'avenue de l'Opéra. L'émir en sortit, s'installa avec son aide de camp et un capitaine français attaché à sa suite. Une arpette qui passa me cria, pendant que je mettais le moteur en route, « Dis donc, il en a une gueule, ton client !» Inutile de dire que personne de nous ne savait où se mettre. Mais j'abuse à remuer tous ces souvenirs et, pour en revenir au 29 juin, j'étais désigné depuis plusieurs semaines au service du ministre de Roumanie en France, M. Antonescu. L'hôtel de la Légation est toujours au 16 rue Brémontier, mais les locataires roumains ont changé depuis le temps où je conduisais, chaperonnés par leur dame d'honneur, les princesses Elisabeth, Marie, Ileana de Roumanie. Le traité de Saint-Germain m'a laissé peu de souvenirs. Pour Versailles, l'itinéraire avait été jalonné de Paris par Saint-Cloud, son parc, ville d'Avray. Il y avait tout au long de cette route un monde fou, autant qu'au retour d'un tour de France. Le service d'ordre, un garde tous les 20 mètres environ, contenait les personnes regardant le défilé des officiels. Chaque voiture avait son fanion national, et c'est ainsi qu'avec le drapeau roumain, des gens criaient à notre passage « Vive la Chine, vive l'Italie, vive le Japon, vive le Brésil !» Mais en entrant dans la cour d'honneur du château, la grandeur de cette cérémonie m'apparut. Silencieux, formant le carré, des centaines d'officiers, choisis parmi ceux les plus décorés de la guerre, saluaient de l'épée les plénipotentiaires. Ceux-ci montaient à la galerie des glaces, et nous allions ranger nos voitures en bataille face à la perspective du parc. C'est là qu'un invité nous fit remarquer une Rolls Royce et nous demanda à qui elle appartenait. C'est celle de M. Clemenceau. Comment ? Il se sert d'une voiture anglaise. Mais alors, l'industrie française, que va-t-elle devenir ? Etc., etc. Un camarade, pour le calmer, lui dit « Vous savez, nous, on n'a pas d'action. » Il faisait très chaud. Et si les grandes eaux fonctionnaient, pas de buffet. Avec un autre chauffeur, pour nous rafraîchir, nous sortîmes du château sans difficulté. Mais, pour y revenir, malgré nos explications, les inspecteurs ne voulurent pas nous laisser rentrer. On escalada le mur, côté route de Saint-Cyr, sans histoire. La cérémonie se terminait. Les fenêtres de la galerie des glaces étaient ouvertes et, seul, restait accoudé à un balcon, M. Brentano, président du conseil roumain, perdu dans ses pensées, songeait sans doute à l'avenir. Eh bien, remercions de loin M. Lucien Plaute et passons à notre témoin suivant. Nous avons la bonne fortune d'avoir ici M. Édouard Emery qui assistait à cette signature. Alors, voudriez-vous nous dire dans quelles circonstances vous y avez été et ce que vous vous en souvenez ? Eh bien, je m'en souviens comme si c'était absolument hier. J'ai passé 4 ans à notre ambassade à Berne et j'ai eu le grand privilège de connaître M. Paul Dutasta, qui était le secrétaire général. Et c'est lui qui a bien voulu m'emmener, comme il a été nommé secrétaire général. Il m'a demandé de l'accompagner à la signature, à la conférence du traité de paix, qui a duré, comme vous savez, de novembre 18 à la signature du traité de Versailles et un peu après pour la signature du traité de Trianon et de Sèvres. J'ai eu là beaucoup de camarades qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour parler de cette signature de la conférence, en dehors des ambassadeurs Saint-Quentin, André-François Poncet qui était là et bien d'autres. Mais j'ai eu peut-être le privilège d'avoir un rôle modeste, car il est quelquefois plus facile de parler quand on est modeste que quand on a eu un rôle très important. Puis vous aviez le temps de regarder. J'avais le temps de regarder. Ce qui m'a peut-être frappé le plus, je dois le dire en toute sincérité, c'est la vue de ces grands mutilés qui étaient à la place d'honneur. Le terrible tigre avait absolument tenu à ce qu'il soit à l'honneur. Ils étaient tout à fait en face de lui. Je vois encore cette fenêtre ouverte, ces figures bouleversées, ravagées de blessures, ravagées d'horreur, aveugles et couverts de décorations qui, malheureusement, ne leur rendaient pas leurs yeux et leur bonheur. Et ça a été, hélas, quelquefois vite oublié. Et nous avions tous espéré, comme on est toujours un peu vaniteux dans la vie, que nous aurions de grands uniformes, des panaches, des décorations, mais nous étions tout simplement vêtus de modestes redingotes pour les officiels ou de beaucoup plus modestes vestons. Le tigre l'avait voulu ainsi. Quelques-uns attendaient leurs décorations, leurs uniformes depuis très longtemps, ils n'ont jamais servi. Ça donnait certainement à cette signature un aspect, disons le mot, démocratique. Nous nous figurions tous un petit peu, avec les illusions de la jeunesse, que nous serions autour d'une grande table comme au traité de Vienne, qui aurait 5 ou 6 personnes. Or, il y avait 100 délégués et 1000 collaborateurs, ce qui rendait la cérémonie un petit peu différente de ce que nous attendions. Aucun discours. Clemenceau dit simplement avec une voix extrêmement tonnante, extrêmement arrogante peut-être, que la signature allait avoir lieu. Il s'adressa pour cela aux Allemands qui étaient 2 petites personnes absolument obscures. Je me rappelle que l'un s'appelait Monsieur Bell et l'autre, je ne me rappelle pas. Müller, je crois. Müller, c'est ça, exactement. Müller et Bell. Et dès que cette sorte de proclamation fut dite par Clemenceau, André-François Poncet s'approcha d'eux, j'étais à peu près à 7-8 mètres d'eux, il s'approcha des Allemands et traduisit, comme il parle parfaitement l'allemand, il traduisit ce que venait de dire Clemenceau. Nous étions là à quelques pas de lui et ce fut tout. Immédiatement après, la signature commença, ce fut assez long, les portes étaient ouvertes, il faisait un temps radieux. Et je vois encore Forain agitant les bras avec une cravate bleue, disant « Quelle journée, quelle journée !» Des pigeons s'envolaient, Le canon tonnait, c'était véritablement une journée inoubliable. Les instants, je crois, qu'ont connu la France comme ces instants sont extrêmement rares, car c'est certainement la première fois dans un traité français ou même européen que le monde entier était à cette table, depuis l'Asie jusqu'à l'Océanie, l'Australie, l'Amérique du Sud, toute l'Amérique, le Canada, tout le monde était représenté. Que ce soit le traité de Vienne ou le traité de Bretigny ou le traité de Verdun, il n'y a jamais eu un traité dans notre histoire qui représente un tel sommet de nos illustrations. Dans cette salle même du traité de Francfort, qui n'était pas de l'avis de tout le monde, ce n'était, nous le savons tous, on aurait préféré aller à Berlin, peut-être c'est une erreur, c'est un peu trop tard ou trop prématuré peut-être pour le dire maintenant. Il est indiscutable que là même où l'Allemagne avait été humiliée, c'était merveilleux de penser qu'à ce même emplacement, la France elle retrouvait son prestige qui était considérable, et je crois qu'elle n'en a jamais plus eu autant peut-être dans toute notre histoire. Mais d'après ce que vous dites, c'était très impressionnant par l'idée que l'on s'en faisait, étant donné qu'il n'y avait aucun décorum. Aucun. Aucun faste. Aucun faste, non. Il y aurait ce faste extraordinaire des drapeaux, de la troupe rendant les honneurs. Mais ce qui était surtout merveilleux, c'était ce fait de la signature après 5 ans d'humiliation, beaucoup de défaitisme. Et si on n'avait pas eu cet homme admirable, qu'était Clémenceau, qui avait soutenu la France dans des moments affreux, où on aurait fait certainement la paix, bien dans des circonstances bien moins favorables qu'elle a été signée. Rien ne reste, il n'en subsiste peut-être pas grand-chose. Il reste un immense prestige. En tout cas, le souvenir. Le souvenir. Bah, il reste l'Alsace-Lorraine. Il reste l'Alsace-Lorraine. En somme, ce fut une très grande journée, je le répète, sans que l'on ait fait quoi que ce soit au point de vue mise en scène pour donner à cela la splendeur que cela aurait pu avoir. Et alors, est-ce que vous vous rappelez comment les choses se sont passées pratiquement? Les gens sont entrés en ordre ou comment? C'est-à-dire, les délégations, par ordre, j'allais dire, j'ai un catalogue là dans ma serviette, par ordre de délégation, ils ont tous signé, ça a été fort long, comme il y avait les délégués de toutes les puissances du monde. Alors ça a été fort long. Et quand ça a été fini, on a tiré le canon et ça a été tout. C'est ça, et les gens sont partis. Les gens sont partis. Il y avait des curieux qui étaient très nombreux. On avait énormément demandé, on nous avait demandé des cartes, on nous avait assassiné de quémandations. Elles étaient très rares. Tous les ambassadeurs étaient là, tous les ministres plénipotentiaires étaient là. Il y en avait beaucoup. Qui sont morts maintenant. De toute façon, nous voulions évoquer l'émotion que fut pour tous ceux qui assistent. L'émotion indescriptible et que nous ressentions tous certainement. Merci infiniment, Monsieur Emery. Nous en avons terminé avec nos témoins. Je pense que nous n'avons pas à discuter de ces divers témoignages. Ils ne se contredisent pas. Ils évoquent tous, vus sous des angles divers, la journée qui fut sans doute pour notre pays une des plus grandes dates de son histoire, et qui serait inoubliable si l'oubli n'existait pas. C'était « Soyez témoins », une émission d'André Gillebois, avec Madame Simone, Jean-Pierre Morfay, Jean Oberlé, et quelques témoins de la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morfay. Montage radiophonique de Jacques Guinchard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 13 juin 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».